Les frustrés, d'après Claire Brotéché. Noël. Au bureau, entre collègues, heure du déjeuner. Bon, je terminerai de taper ce rapport tout à l'heure, il faut que je me dépêche. T'as un déjeuner ? Le 24 décembre, tu parles, je voudrais bien. Non, j'ai encore un tas de cadeaux à acheter. Je sais pas comment font les autres, mais moi, chaque Noël, il n'y a rien à faire, je m'en trouve dans les boutiques au dernier moment. À faire la queue avec tous les retardataires en mon genre. Nous, on a arrêté. Vous avez bien raison, c'est une cohue. Et puis tout le monde est à cran. C'est à celui qui sera le plus désagréable. Tu penses, on est là à se faire pigeonner en achetant ce qu'il y a de plus cher, parce que de toute façon, on n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. On est tous les dindons de la farce, et on le sait, hein, moi, la première. Non, mais nous, on a arrêté, là. Bon, ma moumoute, mon sac. Qu'est-ce que j'oublie ? Mon écharpe. Je la prends ? On crève de chaud dans ces boutiques avec nos fourrures, nos bonnets, nos gants. Oh, ce que je voudrais être en janvier, je te jure. Nous, cette année, pour les fêtes, on fait rien. Sans blague. Tout ce bazar, là, ça sert qu'à faire fonctionner le commerce. Et nous, on en a assez de se faire pigeonner, justement, tu vois, comme tu dis. Remarque, nous, c'est pour les enfants, parce que sinon, tu penses... Bon, je me sauve. Désolée, je suis coincée. Quelque chose de grave ? Demande à Charlotte. Qu'est-ce qui lui arrive ? Cadeau de Noël. Oh, m'en parle pas. Tous les ans, c'est la même histoire. Nous, on a arrêté. Parce que quand t'as fini la corvée cadeau, tu dois encore te farcir la corvée menu obligatoire. Tout ça parce qu'il est né le divin enfant. Ah, tu m'étonnes qu'il soit reparti si vite. Je te parle pas de la bûche. Oh non, mais la bûche, au secours. Qu'on m'amène l'abruti qui a inventé la bûche au beurre. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour le réveillon ? Eh bien, écoute, rien. Je ne fais rien. Rien ? Oh, je vais te dire, t'as bien raison, je te jure. Moi, c'était pas pour mes parents. D'où tu viens, toi, avec tous ces paquets ? Ne me parlez pas. Fais voir. Fauchon. Indien. Bah, dis donc, on se refuse rien. Oh, tais-toi donc. Je m'en serais bien passée, tu peux me croire. Je vous ai interrompu ? On parlait du réveillon. Ah, cette circonstance. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Justement, Charlotte disait qu'elle... Rien. Quoi, rien ? Rien, ce soir, je fais rien. Tu fais rien ? T'es pas avec Robert ? Si, je suis avec Robert et nous ne faisons rien. Bande de vénards ! Quelle veine vous avez, tous les deux ! Moi, je pouvais pas refuser d'aller chez les Grimaud. Ça va être un truc monstrueux. Je parie qu'il va y avoir des miritons. Évidemment, pas question d'arriver les mains vides. Alors, dans ces cas-là, on est bien obligé de se mettre au diapason. Ça me coûte un bras. Cette plaisanterie, je vous dis pas le prix du magnum de champagne chez Fauchon. Non, nous dis pas le prix du magnum chez Fauchon, je sens que ça va me déprimer. Non, nous on a arrêté ça là. Oui, c'est ça, nous on a arrêté le magnum chez Fauchon. Mais je ne parle pas du coffret Montaigne chez Ediard, un mois de salaire. Là je dis non, arrêtons le délire, un coffret Île de la Cité, ça fera très bien l'affaire. Dis donc Charlotte. Je reviens du printemps. Non mais tu sais que c'est complètement dingue, hein, les gens s'en foutent. Quand je pense que j'ai encore rien trouvé pour mon père, t'aurais pas une idée, toi ? Mais moi, les cadeaux, je n'en fais plus, là. À personne, c'est fini, terminé, rideau. Ah, t'as drôlement raison. Je te jure bien que c'est la dernière fois. Vivement que ce cirque soit fini. Bon, faut que j'appelle ma sœur. Non, mon vieux, rien. Nous ne faisons rien. Charlotte et moi, nous avons décidé d'en finir avec les festivités obligatoires. Un sacré pot. Nous, on va à Chartres, dans la famille de Gisèle. Je sais pas si tu vois le tunnel de Saint-Cloud le soir du 24. Bon, bah, rien que ça, t'as un aperçu de la soirée que ça va être. Tous coincés autour de la table, chacun dans sa bulle, rien à se dire. T'as qu'à pas y aller ? Oh, ça ferait des salades à n'en plus finir. Non, j'aime encore mieux prendre mon mal en patience. Vrai, vous faites rien avec Charlotte ? Rien. Absolument rien. Oh, t'as un sacré pot. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu regardes ? Je sais pas. C'est Chantal Goyave ? sais pas. Y a quelque chose à manger? Je crois qu'il reste du jambon. C'est quoi ce que tu bois? Du pinard. Tu m'en sers une goutte? Tiens, voilà la bouteille. Bon, ça suffit là. Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? J'en ai marre de cette idiotie! Tu permets que je regarde au moins la télé, oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ici SOS Solitude. Je vous remercie de me répondre le soir de Noël. Vous avez bien fait de nous appeler. Je me sens avec tellement... SOS Solitude, tellement... vous ne serez plus jamais seul. Malheureusement, pendant les fêtes de Noël, nous sommes absents. Les Frustrés, adapté de Claire Brotéché par Christelle Vioncer, avec Éléonore Jonquet, Ingrid Donadieu, Carole Franck, Christelle Vioncer, Adeline Zarudianski, François Sienner, David Jesselson, Nathalie Canoui. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.